Oh ma baby veut plus de moi désormais. Depuis qu'elle a vu cette boîte violette dans un score game, elle trouve que cette boîte en plastique est vraiment sexy. Et que ce nouveau logo en 3D lui sied à ravir. Elle aime ses quatre ports manettes tout comme son derrière. Et parce que cette chose est faite par un multimillionnaire. Ouais, ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Elle est complètement dingue de ma GameCube. Maintenant je me retrouve comme un emballage d'Américube. Ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Elle m'oblige à me greffer des circuits électriques, à transformer en port-manette qui était mon nombril. Je dois me taper un sandwich au mini DVD et faire les mêmes garous que Mario à Super Smash Bros. Melee. Et tout ça pour essayer de reconquérir ma petite amie. Mais ça ne sert à rien, ça serait plutôt la déprime. Ouais, ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Elle a une pensée pour ma GameCube. Maintenant je me retrouve comme un emballage d'Américube. Ma copine est tombée sous le charme. Je sais, ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Elle a une pensée pour ma GameCube. Maintenant je me retrouve comme un emballage d'Américube. Ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Allez, solo maintenant. De lui demander pourquoi elle avait autant changé de mentalité en prenant cette console à 300€ qui est la fantastique puissante génétique galactique magnétique électrique d'artefact de la génération Nintendo. Elle me répondit que cette console est d'enfer malgré le fait que les DVD ça n'est pas son affaire et qu'elle a une super manette ergonomique. Et que la plupart de ces jeux sont comiques. Ouais, j'imagine déjà comment va être sa tête quand je pourrais acheter la Xbox de Bill Gates. Ouais, ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Elle a une pensée pour ma GameCube. Maintenant je me retrouve comme un emballage d'Américube. Ma copine est tombée sous le charme. Je sais, ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube. Elle a une pensée pour ma GameCube. Maintenant je me retrouve comme un emballage d'Américube. Ma copine est tombée sous le charme de ma GameCube.